comme ça, vous comprenez? Alors que tel que l'autre me dit l'inverse, c'est noir et blanc. Alors là, la franchement, si on a trois fois que là, enfin, si vous voulez, ça ne va plus du tout, ça ne va plus du tout, n'est-ce pas? Ça fait 40 ans que qu'est-ce que je le dis, alors bon, on va pas me faire croire que c'était... La politique doit partir de la réalité des citoyens et mieux que faire des affaires de sa parce que c'est celle nationale qui se 5 ans, t'as rien à faire, ne fais pas partie de mon vocabulaire.